Ça se suscite à tour de bras. On est contrôlé par des fous. Y'a déjà les dictateurs russes. Y'a pas besoin de la haine en plus. Y'a la future guerre atomique. Fatale néo-neuralgique. Pour la paix, pour moi la paix. Ça ne suffit pas tout ce que t'as fait. Pour moi la paix, pour moi la paix. T'en auras donc jamais assez. Pour moi la paix, pour moi la paix. Va te faire foutre!